Bismillahirrahmanirrahim. İza vaqa'atil vaqi'ah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement arrivera, ليس لوقعتها كاذبة. Nul ne traitera sa venue de mensonge. خافضة رافعة. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. إذا رجت الأرض رجا. Quand la terre sera secouée violemment. وبست الجبال بسا. Et les montagnes seront réduites en miettes. فكانت هباء منبثا. Et qu'elles deviendront poussière éparpillée. وكنتم أزواجا ثلاثة. Alors vous serez trois catégories. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations. Et un petit nombre parmi les dernières générations. Sur des lits ornés d'or et de pierreries. Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. S'y accoudant et se faisant face. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. Avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. وفاكهة مما يتخيرون. Et des fruits de leur choix. ولحم طير مما يشتهون. Et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. وحور عين. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Pareil à des perles en coquille. جزاء بما كانوا يعملون. En récompense pour ce qu'ils faisaient. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. إلا قيلا سلاما سلاما. Mais seulement les propos salam salam paix paix. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Et les gens de la droite. Que sont les gens de la droite? في سدر مخضود. Ils seront parmi des jujubiers sans épines. وطلح منضود. Et parmi des bananiers au régime bien fourni. وظل ممدود.